Charroi. Hendrix. Marécage Street, Car Street. Dans ce monde où Clinton est remplacé par Clint Eastwood, où les petites tarus se fournissent en shit à prix discount, la colombe est trempée dans le mazout. Quand les caméras zoom, repense au commandant Massoud. Ça paye pas d'être sentimental, le diable tire dans le tas, mais vise le cœur et la santé mentale. Et il regarde où ça mène d'avoir les mains sales. Moi je mets l'oncle Sam et Oussama dans le même sac. Le rap c'est sacré, le micro c'est mon Saint Graal. C'est mieux que de soigner mon chagrin dans un 25 grammes. L'argent fait le bonheur, mais aussi les drames, les déligrammes. Pour un tas de papier décoré de filigrane, il brûle les doigts, mais je ne crame pas comme Gainsbourg. Certains se bradent au marché au but pour une puce à 15 balles. Un peu derrière le mic, c'est pas une fin en soi. Je m'endormirai sur mes lauriers quand j'aurai des trains en soi. Moi je vis dans mon petit monde, ma bulle hermétique, à peine majeur, on joue au funambule dans la pute d'herbe de shit. Les souvenirs ça vieillit mal comme Brigitte la haine. Dans la pierre, j'ai sculpté mon rap à l'effigie de la haine. Partout ça saute comme un charmel shake, ou comme les tasses qui donnent du charnel pour un carnet shake. 2007 on fait le remake de l'Apocalypse Now. Mec, le nouveau sport d'hiver c'est la cocaïne. Je mets ma rime en jeu parce que le rap c'est déchiffrer des lettres. Toujours anxieux, je passe mon temps à me déchiqueter les lèvres, et mon sommeil est troublé par des crises d'angoisse. Toute la vie devant moi, j'en profite avec la tisse dans le foie. J'irai pas jusqu'à passer dans rêve d'un jour. C'est vrai, j'ai blasphémé, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mon rap c'est le nuage de Tchernobyl. Mon frère, on gère notre bise, on digère pas, on bégère notre bile. J'cause de haine à la Mathieu Kassovitz, sans provenance de la France d'en bas, là où les cassos vivent. Dur de rencontrer la chance quand tu connais la guille. Alors certains virent mal et vous du cône à l'aiguille. Quand la jeunesse n'écrase pas ses peines dans un centard, elle tend ses bras dès que l'héroïne sort son tard. La vie m'a frappé, pourtant elle avait l'air gentille. Moi j'ai le tamat car mon daron vient d'Argentine. Moi j'vis dans mon petit monde, ma bulle hermétique, à peine majeur, on joue au funambule dans la pute d'herbe de shit. Les souvenirs ça vieillit mal comme Brigitte la haine. Dans la pierre j'ai sculpté mon rap à l'effigie de la haine. Partout ça saute comme un charmel shake, ou comme les tasses qui donnent du charnel pour un carnet shake. 2007 on fait le remake de l'Apocalypse Now. Mec, le nouveau sport d'hiver c'est la cocaïne slow. Beaucoup prennent le rap pour un cours de géographie, pendant que l'envie d'argent fait la courte échelle au trafic. Ce morceau c'est plus qu'un poème sur beat. Pour pas que les problèmes subsistent, il faut couper le chêne aux racines. Pour rapper c'est pas la peine de marcher de vertra. La vie nous achève terre pas sans lâcher de faire pas. Moi c'est des une machette verbale au lieu des Mercedes. Mais c'est dead d'un pomme, mais on fait que mâcher de l'air. Man, on meurt aussi vite que nos piles alcalines. Au passage on laisse tout bien pour la brigade canine. Méga des aliens en Carl Canis. C'est l'Asdeg, ici les sans-abri on les regarde caner. Les keufs ne valent rien quand ces petits peu déconnent. En manque de rouge, passe mes samedis à type des codes. Pendant ce temps les types déconnent. Des sales jours à donner envie de se pendre. En plus il pleut des cordes. Ouais, bienvenue dans mon royaume, dans mon petit monde. DMZ à ROI, Marécage Street, 01 au dos du loot. Ok. Tous mes frères et sœurs, tous mes frères et sœurs.